Je pense qu'il y a un problème d'accordage. Je pense qu'il y a un petit problème d'accordage. Je pense que l'accordage est parti en couille. Arrête de tirer sur ce bender. Si on faisait une chanson hawaïenne. Thank you. fort tout à l'heure, Karma. Chanson pour baiser. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.